Je t'écoute venir le cœur à moi. Mais rien ni personne ne pourra t'enlever à moi, car je vis de ta vie. Et l'écho me fait sursauter, et sur la montagne blanche, des risques d'avalanche. Mais je braverai encore le silence de ces barrières invisibles. Je t'écoute me dire, dans le secret entretien de nos vies mêlées, ce nom adoré qui résonne si fort en nos cœurs. Rien après cet amour de morte saison, de ville Kaboul et Baalbek Sidon. Cet ange qui m'accompagne sur les chemins, j'ai conduit mon esquif sur de doux alizés en prenant ta main. Même soleil unique nous lance rayons en même temps. Reçois. Je te les envoie. Tu es cet ange qui m'accompagne sur les chemins des plus belles vertus. L'amour remplit mes jours, remplit mes nuits, et pourtant tout ce silence t'appelle. Verrai-je enfin s'éloigner la séparation de cette passion au plus profond de nos rêves en fusion.